Chapitre 119. Description de la longueur du qamis, des manches, du pagne et des extrémités du turban, et l'interdiction de laisser tomber par orgueil l'un de ses vêtements sous la cheville, les laisser traîner sans orgueil, étant déconseillé. Note du traducteur. Laisser tomber le vêtement sous les chevilles est dans tous les cas strictement interdit. Le faire par orgueil ne fait qu'aggraver le péché, mais Allah est le plus savant. 790. Selon Asma bint Yazid al-Ansariya, radiyallahu anha, les manches de la tunique, du qamis, du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui arrivaient au poignet. Abu Dawud et At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan. Hadith jugé faible par Sheikh al-Albani. Rahimuhallah. 791. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le jour de la résurrection, Allah ne regardera pas celui qui laisse traîner sous les chevilles ses habits par orgueil. » Abu Bakr lui dit « Ô messager d'Allah, mon izar, vêtement se portant à la taille, traîne par terre et je dois sans cesse le retenir. » Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam répondit « Tu n'es pas de ceux qui font cela par orgueil. » Al-Bukhari et Muslim en partie. 792. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Allah ne regardera pas, le jour de la résurrection, celui qui laisse traîner sous les chevilles son izar par orgueil. » Al-Bukhari et Muslim. 793. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Tout ce qui, de l'izar, dépasse les chevilles, est en enfer. » Al-Bukhari. 794. D'après Abu Dharr, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Allah ne parlera pas à trois types de personnes le jour de la résurrection, ne les regardera pas, ne les purifiera pas, et ils subiront un châtiment douloureux. » Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam répéta ces paroles à trois reprises. Abu Dharr lui dit « Puisse-t-il échouer et périr ?» Mais qui sont-ils, ô messager d'Allah? Il répondit, alayhi salatu wassalam, ceux dont les vêtements dépassent la cheville, ceux qui rappellent aux autres les bienfaits qu'ils leur ont accordés, et ceux qui jurent mensongèrement pour écouler leurs marchandises. Muslim. Dans une autre version de Muslim, ceux dont le pagne, izar, dépasse la cheville. 795. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Allah ne regardera pas le jour de la résurrection celui qui laisse traîner son izar sous les chevilles, sa tunique, qamis, ou son turban par orgueil. » Abu Daoud et An-Nasa'i. 796. Abu Jurey Jabir ibn Sulaym, radiyallahu anhu, rapporte « J'ai vu, en arrivant à Médine, un homme dont les avis étaient systématiquement adoptés par les gens. Après m'être enquis de lui, on me répondit qu'il s'agissait du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. J'allais à sa rencontre et je lui dis à deux reprises, « Sur toi la paix, ô messager d'Allah, alayka salam. » Il répondit, « Ne dis pas sur toi la paix, car c'est le salut que l'on adressait aux morts avant l'islam. Dis plutôt, que la paix soit sur toi. Assalamu alayk. » « Es-tu vraiment le messager d'Allah ?» demandai-je. Il répondit, « Oui, je suis le messager d'Allah, ton Seigneur qui, lorsque tu l'invoques, éloigne le malheur qui t'atteint, qui, lorsque tu l'invoques, rend ta terre fertile après une année de sécheresse, et qui, lorsque tu l'invoques, après avoir laissé s'échapper ta monture dans une terre désertique, la fait revenir. » Je lui dis, « Fais-moi des recommandations. » Il dit, « N'insulte surtout personne. » Depuis lors, je n'ai insulté ni homme libre, ni esclave, ni chameau, ni mouton. Il poursuivit. Ne méprise aucune bonne action, pas même le fait de parler à ton frère musulman avec un visage souriant, car c'est aussi une bonne action. Relève ton izar de façon à ce qu'il t'arrive au milieu du tibia, et au pire, au-dessus des chevilles. Mais prends garde à ne pas le laisser traîner sous les chevilles, car c'est là un signe d'arrogance, et Allah n'aime pas l'arrogance. Si quelqu'un t'insulte ou porte atteinte à ton honneur par des choses qu'il connaît de toi, Ne le déshonore pas en retour par des choses que tu connais de lui, afin qu'il en supporte tous les torts. » Abu Daoud et At-Tirmidhi avec une chaîne isnad authentique. Et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih » 797. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, vit un homme prier, vêtu d'un hizar lui dépassant les chevilles. Il lui dit « Va refaire tes ablutions ». L'homme obéit puis revint, mais le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui ordonna à nouveau « Va refaire tes ablutions ». Un homme dit alors « Ô messager d'Allah, pourquoi lui as-tu commandé de refaire ses ablutions sans lui en indiquer la raison ?» Il répondit, alayhi salatu wassalam, « Il priait en laissant traîner son hizar. Or Allah n'accepte pas la salat de celui qui laisse traîner ses vêtements. » Abu Daoud avec une chaîne isnad authentique selon les critères de muslim. Note. Ce hadith est considéré comme faible, da'if, par la plupart des savants de l'islam. Hadith jugé faible par Sheikh Al-Albani. Rahimuhallah. 798. Qais ibn Bishr al-Taghlibi rapporte que son père, qui était un familier de Abu Darda, lui a relaté ceci. Il y avait à Damas un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, nommé Sahl ibn al-Hanzaliya. Il aimait la solitude, ne fréquentant que très peu les gens, s'adonnant le plus clair de son temps à la salat, puis à la glorification d'Allah, jusqu'à ce qu'il soit de retour chez lui. Un jour, il passa près de nous alors que nous étions avec Abu Darda. Ce dernier lui dit « Dis-nous des paroles qui, sans te causer du tort, nous soient utiles. » Il dit « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, envoya un détachement en expédition. » À leur retour, l'un d'eux prit place dans l'assemblée où se trouvait le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et dit à son voisin « Si tu nous avais vus lorsque nous avons rencontré l'ennemi, et qu'un tel prit sa lance et en frappa l'ennemi en s'écriant « Prends ceci de ma part, je suis le jeune homme du clan des Rifar. » Que penses-tu de ces propos ?» Il répondit « Je pense qu'il a laissé filer sa récompense. » Un autre, ayant entendu ces paroles, rétorqua « Je ne vois aucun mal dans ce qu'il a dit. » Les deux hommes se disputèrent jusqu'à ce que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, les entende. Il dit « Gloire et pureté à Allah, subhanallah. Il n'y a aucun mal à ce qu'il soit récompensé dans l'au-delà et loué ici-bas pour son courage. » J'ai alors vu Abu Darda, radiyallahu anhu, se réjouir de ses paroles puis lever la tête vers son interlocuteur et lui demander « Tu as bien entendu ceci du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam ?»« Oui, » affirma Ibn al-Hanzaliya, radiyallahu anhu. Il n'a cessé ensuite de réitérer sa question au point que j'ai pensé que Abu Darda allait se mettre à genoux devant lui. Ibn al-Hanzaliya, radiyallahu anhu, passa un autre jour devant nous, et Abu Darda lui demanda à nouveau « Dis-nous des paroles qui, sans te causer du tort, nous soient utiles. » Il dit « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous enseignait ceci. Celui qui entretient un cheval pour le djihad est à l'image de celui qui tend sa main pour faire l'aumône sans jamais plus la refermer. » Il passa une nouvelle fois à côté de nous, et Abu Darda, radiyallahu anhu, lui fit la même requête. « Dis-nous des paroles qui, sans te causer du tort, nous soient utiles. » Il dit « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous a dit ceci. Quel excellent homme que Khuraym al-Asadi, n'eût été ses longs cheveux lui tombant sur les épaules et son hizar qu'il laisse traîner. » Lorsque ces paroles parvinrent aux oreilles de Khuraym, il prit sans perdre de temps un couteau, coupa ses cheveux au niveau des oreilles et releva son hizar de façon à ce qu'il lui arrive au milieu du tibia. Ibn al-Hanzaliya passa à nouveau près de nous, et Abu Darda, radiyallahu anhu, l'interrogea encore. « Dis-nous des paroles qui, sans te causer du tort, nous soient utiles. » Il dit « J'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Vous voilà de retour chez vos frères, alors arrangez vos selles et vos vêtements afin de vous distinguer des gens par votre apparence. » Car Allah n'aime ni les hommes grossiers, ni ceux qui se laissent aller à la grossièreté. Abu Daoud, avec une bonne chaîne, isnad, de narrateurs, sauf Qais ibn Bishr, sur lequel les savants du hadith ont divergé au sujet de sa crédibilité, en sachant que Muslim a rapporté de lui certaines traditions prophétiques. 799. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « L'hizar du musulman doit lui arriver au milieu du tibia, mais il n'y a pas de mal à ce qu'il descende jusqu'aux chevilles. Par contre, ce qui dépasse les chevilles est voué au feu. Et Allah ne regardera pas le jour de la résurrection celui qui laisse traîner sous les chevilles son izar par orgueil. Abu Daoud. 800. Ibn Omar, radiallahu anhuma, rapporte. Je suis passé un jour à côté du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, alors qu'un pan de mon izar traînait. Il m'interpella alors en ces termes. Ô Abdullah, relève ton izar. Je m'exécutai, mais il dit, encore. Je le relevai à nouveau, tout en me demandant à quelle hauteur je devais m'arrêter. Certains demandèrent alors, jusqu'où? Il, alayhi salatu wassalam, répondit, jusqu'au milieu du tibia. Muslim. 801. D'après Ibn Omar, radiallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, Allah ne regardera pas le jour de la résurrection celui qui laisse traîner ses vêtements par orgueil. Salama, radiallahu anha, demanda, que doivent faire les femmes avec la traîne de leurs vêtements? Il répondit, alayhi salatu wassalam, qu'elles la laissent traîner d'un empan. Elle rétorqua, leurs pieds seront alors exposés au regard. Il dit, alors d'une coudée, et pas plus. Abu Dawud et At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan Sahih.